الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons dans Kitab al-Salah. في فضل رب البرية بشرح برر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله والإكسبيكاسيون سير دو شيخ علي رملي كالله يبريزيرف. Donc dans le cours précédent nous avons vu ce qui n'est pas obligatoire, car celui dont la prière n'est pas obligatoire sur lui. Donc nous avons dit que la prière n'est pas obligatoire à la ghayr mukallif. Et le mukallif ici, c'est soit l'enfant, soit le fou, ou soit celui qui est incapable de faire les gestes dans la prière. Donc, nous nous sommes arrêtés sur les actions qui sont permis dans la prière et ceux qui ne sont pas permis, c'est-à-dire qui sont makruh, tels que le fait de cracher devant soi ou bien à droite. Et nous avons vu aussi qu'il est permis de tuer le serpent et le scorpion étant dans la prière, ainsi que le corbeau et le milan, ainsi que le chien à la cour, qui est le chien qui a la rage. Donc nous sommes arrêtés sur Olafsu. Parmi les choses qui ne sont pas permises dans la prière, il y a Olafsu. Quand on dit permis ici, c'est l'écran, ce qui est détestable. Donc le chef qui dit Olafsu الفتل بخيط أو غيره. الفتل c'est l'attache, بخيط c'est-à-dire le fait d'attacher les cheveux derrière et de mettre l'aiguë pour attraper. Ça va? Ce فتل est makruh dans la prière. Et nous avons vu cela dans les dars précédents. Que ce soit une femme ou un homme, ceux qui ont beaucoup de cheveux, le haq n'est pas permis, c'est makruh dans la prière. Ça va? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque ils prient, leurs cheveux descendent devant eux. Donc, souvent, il y a d'autres, ça les gêne. Donc, ils décident d'attraper derrière et puis d'attacher ou bien de mettre l'aiguë pour tourner et attacher. Ça peut être l'homme comme la femme. Ça va? Oui. Non? le Ikra. C'est dans la prière. Non. C'est dans la prière. Ça va? Et ici, il dit aussi wa yukrahu al-iltifat. C'est détestable de tourner le visage, regarder ailleurs. C'est ce qu'on appelle al-iltifat. C'est-à-dire celui qui est dans la prière, est-ce qu'il peut tourner pour regarder ailleurs? C'est macro, mais ce n'est pas interdit. Tayyib, c'est détestable. Les hadiths d'Aïcha, radiallahu anha, qalat. À cause du hadith d'Aïcha, qui dit, Sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, anil iltifat fi salah. Au sujet du fait de tourner le visage dans la prière et regarder un autre endroit, autre que makan sujud, l'endroit du sujud. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aïcha, فَقَالَ هُوَ اِخْتِلَاسٌ. Ikhtilas, on dit vol ou bien dérobé. يَخْتَلِسُ هُوَ شَيْطَان. C'est-à-dire, c'est Shaitan vole cela, min salat al-abd, de la prière du serviteur. Le Shaitan dérobe cette partie, c'est-à-dire lorsque tu tournes le regard, le shaitan était distrait pour tourner ton regard. Donc il veut voler une partie de ta prière. Dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari. Mais ici, lorsqu'on dit c'est détestable, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici que l'ikhtilas, c'est un vol du shaitan, de la prière du serviteur. Mais pourquoi on dit encore que c'est détestable? Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ikhtilas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a déjà fait pour un besoin. Mafoum, il a déjà fait cela pour un besoin. Donc voilà pourquoi, وَيَجُوزُ الْإِلْتِفَاتِ الْحَاجَ. Il est autorisé de tourner le regard à cause d'un besoin. Ça va? لِعِدَّةِ أَحَادِيثِ. À cause de plusieurs hadiths, وَرَدَ فِيهَا, dans lesquels c'est venu إِلْتِفَاتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a tourné le regard وَأَصْحَابِهِ فِي زَمَنِ, ainsi que ses compagnons à son époque. وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ, pendant qu'ils étaient dans la prière. Donc, nous disons, le iltifat, le fait de tourner le regard dans la prière ou regarder un autre endroit, c'est macro, mais lorsqu'il y a un besoin, on peut le faire. Ça va? On peut le faire. Ce n'est pas interdit. Mafoum? Mais là, sachez que c'est ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytan. Le shaitan, il vole une partie de ta prière à travers cela. Mais lorsqu'il y a un besoin, un hadja, alors là-bas, c'est bien. Il n'y a pas de problème à le faire. Mais pas le faire plusieurs fois dans une même prière. Ça va? Pas le faire plusieurs fois. Voyez. Wayukrahu, et c'est détestable, iftirashu zira'in, le fait d'étaler les deux côtes. Ça va? Étaler comme le chien. C'est-à-dire les deux côtes comme ça, avec les deux mains, tu étales cela au sol. Ça va? Fis sujoud, pendant que tu es dans le sujoud. Toyib. Le kawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi c'est interdit? C'est makro, cas ici, le makrou ici, montre que c'est quelque chose, si tu le fais, ça n'a pas d'effet sur la validité de ta prière. Mais ça peut diminuer les mérites de ta prière. Mafoum. Donc, à cause de la parole du prophète Rassam qui dit I'dilou fi soudoud, c'est-à-dire dressez-vous bien dans le soudoud. Wala yabsout ahadukum. Basata, c'est étendre, étaler. Ça va? Que l'un d'entre vous n'étale pas zira'ay, c'est deux coudes. Ça va? Imbisat il kalb, comme le chien, il étale ses deux coudes comme ça au sol. Ça va? Il met, et puis il met la main suivante. C'est-à-dire à partir du coude, juste toute la main touche le sol. Avec le coude. C'est compris? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela, et ce hadith vient dans Sahih Bukhari et Muslim. طيب وذلك اسلا سفه بان يضع يديه الى المرفقين على الارض qu'il met ses deux mains jusqu'à ses coudes, tout cela au sol. Ma foi, عند السجود, lorsqu'il fait le sujud, comme يفعل الكلب, comme le chien il le fait. وقد نهينا, alors qu'il nous a été interdit أن التشبه de ressembler bil hayawan, aux animaux, n'est-ce pas? طيب. وقال عليه الصلاة والسلام. Donc ici maintenant, nous allons arriver sur notre masala de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Dans le sens que il y a quelque chose qui est permis, en même temps l'autre est interdit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la salata bi hadrati ta'am. Il n'y a pas de prière lorsque la nourriture est présente. Ça va? Est-ce que ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veut dire que tant que la nourriture est là, si vous priez, votre prière est nulle? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Non, c'est préférable, ou bien c'est détestable que la nourriture soit présente et vous priez. Hein? Mais est-ce que yantabiku avec la parole des, on peut mettre ça dans le même sens avec la parole des Bambara qui disent que babu ka koroni misri. C'est pas la même chose. Parce que si on dit Gwabou ka koroni misri, ça veut dire que tant que il y a la nourriture, on ne doit même pas faire la prière. C'est ça, non? Hein? Ceux qui comprennent Bambara. Taïb. Voilà qu'in Huna, ce n'est pas l'interdiction de la prière. C'est-à-dire c'est makrou, c'est détestable de prier lorsqu'il y a la nourriture. Ça va? Même si c'est une prière obligatoire. Mais dans cette masala, il y a des tafsils. Il y a des tafsils. Lorsque vous êtes dans le moment de la prière, mais lorsque vous êtes dans la fin du moment de la prière, c'est-à-dire vous savez que si vous mangez, l'heure de la prière va passer. Qu'est-ce qui est aoujab ici? C'est la prière. Est-ce que vous comprenez? Et ici, on a donné les détails la fois passée ici pour dire que on ne parle pas de ceux qui gardent la nourriture dans la cuisine. Et au moment où il est l'heure de la prière, ils font sortir la nourriture et puis ils disent « La salata bi hadrati ta'am. » Hein? Voyez. Donc, cela veut dire celui dont yani, il attendait la nourriture, tel que le hachat, la nourriture du soir, et la nourriture est sortie au même moment que la prière. Alors, il doit manger d'abord avant de prier. Sinon, c'est ta fatkar. Il va beaucoup réfléchir sur la nourriture. Surtout si c'est un bon plat, sa prière va se mélanger. N'est-ce pas? Tayyib. Donc, waqala alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, voici encore quelque chose qui est interdit. Il dit, la yantahin akwam. Non? Ensuite, il dit, wala huwa yudafi'uhu an al-akhbathani. Et aussi, la prière détestable lorsque tu repousses al-baul ou al-gharit. C'est ça qui est al-akhbathani. Ma foule, al-baul ou al-gharit. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de prier, tu es occupé à repousser. Hein? Ton ventre fait pour. Et tu es là, tu te concentres. Décharge-toi. Coupe la prière. On va t'occuper de ton shughl ou shaghl, de ton occupation. Si tu finis, si je reviens à la prière. C'est même détestable de continuer la prière pendant que tu as les besoins. Al-akhbasal. Ça va? Tayyib. Donc, ici, ce hadith vient dans Sahih Muslim de Aïcha, radiallahu ta'ala. وقال عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. Il dit, des gens, soit ils vont arrêter. Ça va? Ça vient لا ينتهين أو لا ينتهين أقوام. Des gens, soit ils vont arrêter de soulever le regard vers le ciel dans la prière, ou la tahtafan absaram, ou bien ils vont perdre. Tahtafa, c'est arraché. Soit leurs vues seront arrachées. C'est-à-dire, au nyabena bouchoula, ils vont plus voir clair. Donc ici, c'est makrou ou bien c'est interdit. Hein? C'est interdit. Ou bien c'est makrou. C'est interdit. Limada. On aurait dit c'est makrou si il y avait une action qui montrait que c'était permis de le faire. Ça va? Mais ici, il y a une menace. Hein? Et dans un autre hadith même, il dit soit ils arrêtent, soit Allah va changer leur tête. En tête de quoi? L'âme. طيب وفي هذا دليل اي cela comme le cheikh le dit ici une preuve à la tahrim an-nadar l'interdiction de regarder il al-a'la en haut fi salat où on doit regarder makan as-sujud ça va mais si l'arrive qu'on regarde devant soi ça ishkal ça va. Le iltifat aussi, le haja, la ishkal. Ça va? Tel que par exemple, tu es en train de prier, et tu vois quelqu'un à la porte là-bas. Il est en train de lancer salam, salam, salam. Mais tu sais que s'il continue à lancer le salam, il va te déranger. Tu tournes, tu lui fais signe. Hada la ishkal. Walishara la tufsi de soi. La ishara, c'est-à-dire faire signe, ça n'annule pas la prière. Ça va? Non? Non, iltifat, c'est iltifat. Ne te tourne pas seulement pour les états qibla. Iltifat, c'est iltifat. Tu peux tourner comme ça. Ashkar. Ça va? Mais ne laisse pas la qibla. ولكن للحاجة ها parce que c'est ikhtilas. Il y a des gens subhanallah lorsqu'ils commencent la prière ils commencent à gratter la tête il gratte le corps, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en haut, il regarde en bas. Ikhtilaf, qu'Allah nous préserve. Non? Donc ça c'est pas en haut. Soulever en haut. Ça va? Donc, wa tukrahu as-salat. Il est détestable de prier fi saubin, dans un vêtement yushrilu al-musalli, le vêtement qui occupe celui qui prie. Aw fi makanin, ou bien dans un endroit fi tasawir, où il y a des images qui l'occupe. Taïb, c'est détestable. Par exemple, la personne a porté un beau vêtement, des vêtements avec des couleurs, et quand il prie, il regarde bien ces couleurs. Ça va? Hein? C'est détestable. Ou bien dans un endroit où il y a beaucoup d'images, où il s'occupe à regarder les images. Pourquoi c'est détestable? Parce que tout ce qui distrait de la prière est détestable, soit détestable ou bien interdit. Ça va? Les hadiths d'Aïcha, à cause des hadiths d'Aïcha radiallahu anha qui dit Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam salla fi khamisa laha alamun. Khamisa, c'est un type de vêtement. Ça va? C'est un type de vêtement qui a des signes, des traits. Ça va? Fanazara ila alamiha nazara. Il a regardé les traits qui sont sur le vêtement. Falamman sarafa qala. Lorsqu'il a fini la prière, il a dit Izhabu bi khamisati hadi ila abidjam. Il est allé ici avec ce khamisa chez Abi Jaham. Wa'tuni bi'anbijaniya ki Abi Jaham. Il est venu avec son anbijaniya de Abi Jaham. Anbijaniya, c'est un autre vêtement qui n'a pas de trait, qui est lourd, qui n'a pas de trait, qui n'a pas plusieurs couleurs, une seule couleur. Donc prenez ce vêtement, allez-y donner à Abu Jaham pour moi qui me distrait, et prenez son anbijaniya pour apporter. Fa innaha idika, ce vêtement alhatni anifan, m'a distrait tout à l'heure en solati, de ma prière. Tayyib, la distraction de la prière, c'est tout le monde. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a été distrait dans sa prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas être distrait dans la prière? Là. Hada aydon la yunafi al-khushu' fi salah. Ça ne contredit pas le khushu' dans la prière. Mafhoum? Tayyib. Donc ici il dit wal khamisa. C'est naw min as-siyab, comme on vient de le dire. Khamisa, c'est un type de vêtement. Wal a'lam, les a'lam, c'est khutut, les traits mulawwana, de couleur, fi sawbi, dans le vêtement. Wal inbijaniya, sans le alif wa lam, on dit anbijaniya. Avec alif wa lam, on dit inbijaniya, al-inbijaniya. Ça va? C'est sawbun ghalib. C'est un vêtement qui est lourd, la khoutouta lahu, qui n'a pas de trait. Wa akhraj al-Bukhari fi sahih. Bukhari a rapporté dans son authentique an Anas ibn Malik, de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qala kana qiram li Aisha satarat bi janib baytiha. Qiram, c'est satrun raqiq, c'est-à-dire une couverture qui est léger, min souf, de la laine, zo alwan, qui a des couleurs, wa nukush, et des traits. Ça va? Des traces. comme on peut appeler le rideau. Ça va? C'est qu'on prend pour couvrir une partie de la maison. Ça va? Donc, Aïcha avait couvert, elle avait couvert avec cela une partie de la maison. فقال النبي صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit أميطي enlève عن كرامك هذا enlève ton كرام فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي ces images n'ont pas cessé de se présenter à moi dans la prière à chaque fois j'y pense donc cela distrait de la prière. Donc, comme on vient de le dire, وَالْقِرَامُ سَطْرٌ رَقِيقٌ مِنْ صُوفٍ ذُو أَلْوَانٍ وَنُقُوشٍ. Donc, toutes ces paroles-là, est-ce que prier dans un endroit où il y a des images, ça annule la prière? Non, ça n'annule pas. Ça va, même si c'est des images interdites, ça n'annule pas à la sohi. Et d'akulna à la sohi, c'est qu'il y a un léger irtilaf. C'est la masala. Mais ça ne fait pas partie des annulatifs de la prière. Ça va? Taïb? Barakallahu fikum. Wal muradu min hadil ahadith. Ce qui est voulu de ces ahadiths qu'on vient de voir, izalatu, c'est d'enlever. Tout ce qui distrait de la prière et qui occupe anil khushu'i fiha d'être concentré. Al khushu' fi solat, c'est la concentration. Ça va? C'est la concentration et le fait tafarruq de vider son cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Et de faire munajat. Qu'Allah nous facilite cela. Donc, tout ce qu'on vient de voir, ce sont des actes. Si la personne pose, ça va le distraire de la prière. Mais cela ne fait pas partie des interdits. Ça va? Sauf le fait de lever le regard vers le ciel dans la prière. Ma foi? Donc ensuite nous allons rentrer dans le bab du salat at-tatawwu. Salat at-tatawwu'i. Hein? Vas-y. Par rapport à ça, les tapis dans le mosquée. Les tapis. Souvent, il y a des signes dessus. Oui, tout ça, ça rentre dans les makruhat. Naam. Barakallahu fik. Qu'Allah te récompense pour cet ennemi. Il arrive aussi que dans certaines mosquées, il y a des tapis qui sont faits de khutut. Ça va? Par exemple, ces tapis que nous avons ici, c'est vrai qu'il y a des dessins, il y a des khutut. Mais si c'est quelque chose qui distrait, ça rentre dans ce qui est makruh. Ça va? Ce qui même est une sunna, c'est de mettre des tapis qui n'ont pas de couleur. Ça va? Parce que tout ça rentre dans la distraction. Et cela arrive. Moi, une fois cela m'est arrivé, je suis arrivé dans une mosquée, j'ai vu le tapis là. Ils ont dessiné sous forme de... comme si c'était deux personnes qui étaient collées. Mais c'était un dessin. Si tu regardes d'une certaine manière, tu penses voir deux personnes qui sont collées. Donc, Fajar, tu as ta fakkar. J'étais en train de réfléchir sur le tapis. Et puis l'imam allait en soujoud, il ne savait même pas. Hein? Ça arrive. Ça arrive. J'ai réfléchi sur le tapis, l'imam allait en soujoud, j'étais toujours debout. Parce que après la génoflexion, on s'est arrêté, j'ai regardé le tapis, et puis l'imam est parti. C'est quand l'imam est revenu s'asseoir, c'est là que je suis que l'imam est parti en soujoud. Tellement j'étais concentré sur le tapis. Je pouvais entendre le bruit et suivre le bruit. Mais même le bruit était là, j'ai pas entendu. Tellement j'étais concentré sur le tapis. Ça va? Mais cela arrive souvent. Tu es concentré sur quelque chose, quelqu'un te parle. tu n'entends même pas ce qu'il dit. Ou bien. Donc, c'est très clair ce que le frère Mohammed il a dit. C'est clair. Ces choses qui distraient les gens, on doit éloigner cela des mosquées. Ça va? Donc, nous allons rentrer dans Babu Solat At-Tatawwu'. La prière surrogatoire. On va voir tout ce qui est prière surrogatoire. Ça va? Surrogatoire, c'est-à-dire Tatawwu', ce qui n'est pas obligatoire. قال المؤلف رحمه الله دونك لو تادي ليف امام الشوكاني كلامي فاس ميزيكورد اي دي باب الصلاه التطوعي شابيت لا بريير سيروغاتوار سمور التطوع هو القيام سي لو فات دو سي دريسي بالعباده pour faire une adoration tawa'iyyatun bil-ikhtiyar. Tawa'iyya, c'est, comme on dit, la volonté de le faire, d'obéir. Ça va? Comme on peut le dire, faire quelque chose de ton propre choix. Ça va? Obéir est une action moutonnière. Ça va? Donc, dans ce sens-là, bil ikhtiyar, de ton choix, min ghayri, sans que an takuna fardan, que ce soit une obligation, lillahi, pour Allah, laziman, est exigé. Non. C'est quelque chose que tu le fais venant de ton propre choix. Wa sumiya salat. La prière tatawwu a été nommée tatawwu'an à cause du hadith du professeur Hassan. Lorsqu'il a lu Arabi, lui a posé la question anis-salah, au sujet de la prière, il a dit khamsu salawatin fil yawmi wal layla. Il dit 5 prières nuit et jour. Et le bédouin lui a posé la question, il dit hal alayya ghayruha? Est-ce que il y a d'autres prières obligatoires sur moi? Faqala la illa an tatawwa'a. Sauf si tu as fait tatawwa'. Donc les savants maintenant ont pris la prière qui n'est pas obligatoire de ce hadith et donné salat et tatawwa'. Ça va? Mafoum? Toyib. Donc ce hadith vient dans Al-Bukhari wa Muslim. Et c'est le hadith de Talha ibn Ubaydillah. Wa yuqalu laha nafila. On appelle aussi cette prière nafila. Nafila, c'est ce que nous on connaît. Ou bien, en bambara on dit nafila. N'est-ce pas? Li annaha, car cette prière ziyadatun anil wajib. Cette prière vient s'ajouter sur ce qui est obligatoire. Qala al-mu'allif rahimahullah. L'auteur du livre, il dit, il va commencer par les rawatib. Il dit, arba'un qabla zuhr. Il dit, 4 rakat avant zuhr. Ça va? Zuhr, il a dit 4 rakat avant. Arba'un. Wa arba'un ba'dah. Et 4 rakat après zuhr. Arba'un qabla l'asri. Avant asr, 4 rakat. وركعتان بعد المغرب مغرب 2 ركعات après مغرب ça va وركعتان بعد العشاء après عشاء 2 et وركعتان قبل صلاة الفجر et 2 ركعات avant fajr ça va combien 1 hein? Zour, ça fait déjà 8. Asr, ça fait 12. Maghrib, 2. 2, ça fait 14. 14. Isha, ça fait combien? 16. Et Fadj, ça fait 18. Donc ici, l'auteur du livre a dit 18 rakat rawatib par jour. Il a ses preuves. N'est-ce pas? Mais nous allons voir ensemble, Inch'Allah. النوافل الرواتب للنوافل الرواتب أو بيونديسا سنة الراتبة الراتبة هي التابعة للفريضة c'est ce qui suit l'obligation c'est voilà pourquoi c'est nommé الراتب ça va ce qui suit l'obligation par exemple tu fais quelque chose qui est obligatoire. Ce qui suit l'obligation, on appelle ça ratib. Voilà pourquoi celui qui travaille, le salaire qu'on lui donne, on appelle ça ratib ou shahri. Après avoir accompli son obligation, on lui donne au fond du. Hein? Donc, à la hazanna. Toyib, le ratib c'est quoi? Ou sabit, c'est ce qui est ferme ou da'im, et ce qui est perpétuel. Ce qu'on donne, ce qui vient à chaque moment. Ça va? Comme on dit, ratib shahriya. Le salaire qui vient après l'obligation à chaque moment. Ça va? Wa rawatib hi al-waridatu fi hadith ibn Umar. Le rawatib, c'est ce qui est venu dans le hadith d'Ibn Umar. Écoutez bien le hadith d'Ibn Umar. Et bien là, on va commencer à détailler maintenant. Est-ce que le mu'allif, qui dit 18 rakat, le ratib, il est sur le sawab ou bien il est sur l'erreur. Voyez, on va voir ensemble. Dans le hadith d'Ibn Umar, il est hafistu minan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam asharakat, 10 rakat de rawatib. Ibn Umar dit, 10 rakat. Ça va? Il détaille. Il dit rakatane qabla dhuhr. Deux rakat avant la prière de zuhr. Ça va? Wa rakatane ba'daha. Et deux rakat après dhuhr. Wa rakatane ba'd al-maghrib fi baytihi. Deux rakat après maghrib, il faisait cela à la maison. Ça fait combien? 6. Warakatayn ba'da al-isha fi baytihi. Et deux rakat après isha à la maison chez lui. Ça fait combien? 8. Warakatayn qabla al-fajr. Et deux rakat avant fajr. Ce hadith est muttafaqun alayh. Dans ce hadith, il n'y a pas de discussion sur ce hadith. Ça va? Mais c'est pas fini. طيب وفي رواية dans une autre رواية في الصحيحين il a ajouté وركعتين بعد الجمعة deux rakat après la Jumu'a. طيب mais ici il a mémorisé que 10. Ça va? Maintenant on a 10. Deux rakat avant, deux rakat après, deux rakat. Donc asr, il n'y a pas. Non. Dans le hadith de Ibn Umar, asr, il n'y a pas. N'est-ce pas? Deux rakat après maghrib. Deux rakat après isha. Deux rakat avant fajr. Ça va? Mais dans Bukhari, il y a le hadith de Aïcha. Radiallahu ta'ala anha. عائشة الدي طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم لمساجد الله صلى الله عليه وسلم لا يضع أربعا قبل الظهر إن لسبا كتركت avant الظهر إن لسبا كتركت avant الظهر طيب. Donc, si on prend 4, on vient, on enlève les 2 avant Zohr de Ibn Omar, puisque ce hadith aussi est rapporté par Al-Bukhari. Ça va? Ibn Omar dit 2 rakat avant Zohr, mais Aïcha dit 4. Pourtant, c'est à la maison et prier. Qui mémorise plus cela? Hein? C'est Aïcha. Donc, ça fait combien de rakat maintenant? Ça fait 12. 4 rakat avant Zohr. 2 rakat après Zohr. N'est-ce pas? Tayyib. Et 2 rakat après Maghrib. 2 rakat après Isha. Et 2 rakat avant Fajr. Donc ça fait 12. Mafoum. Mais Bakia, il reste Mazakarahul Mu'allif. C'est que l'auteur du livre a mentionné. Qui est quoi? Arba Bada Zuhri wa Arba Qabla Asr. Parce que Arba Qabla Zuhri, on a trouvé le hadith. Dans la parole du Mu'allif. Le hadith c'est quoi? Sahih. C'est le hadith d'Aïcha. Mais Arba Bada Zuhr. On n'a pas vu le hadith d'abord. Mais on a vu le hadith d'Ibn Omar qui dit 2 après Zohr. Donc, il y a cela qui reste qu'on doit clarifier. N'est-ce pas? 4 à 4 après Zohr. On doit clarifier cela. Et puis 4 à 4 avant Asr. On doit clarifier aussi cela. Wa dalilul arba ba'da zuhri. Le dalil de 4 après Zohr, c'est le hadith de Umm Habiba. Ça va? C'est le hadith de Umm Habiba. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, Abu Dawud, Nasa'i et puis Tirmizi. Ça va? Elle dit, قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit من صلى أربع ركعات قبل الظهر celui qui prie 4 rakat avant Zohr وأربع بعدها et 4 rakat après Zohr حرمه الله على النار Allah l'interdit d'entrer dans le feu c'est-à-dire Allah interdit le feu de le brûler وهو معلم le hadith est معلم Mal, ça veut dire quoi? Le hadith est malade. Hein? Problème. Wa qad ikhtulifa. Les savants du hadith ils sont divergés. Fi sanadan wa matnan. Ils sont divergés dans la chaîne de transmission, même dans le matn du hadith, dans le texte même du hadith. Dans la chaîne de transmission, et dans la parole du test même du professeur Hassan. Ils sont divergés. Voilà où Turuq, mais le hadith a plusieurs voix. Hakam alayha al-Nasa'i bil-Khata. Nasa'i a jugé le hadith comme une erreur. Ça va? Imam al-Nasa'i, Abu Isa. Wa kadalika fi'l al-Mazzi bi-tariqi ukhra. L'imam al-Mazzi, il a aussi jugé le hadith de cette manière. Troisièmement, le hadith est mon copain. Le hadith est mon copain. Le rabi, quatrièmement, doaïfa. Le hadith est doaïf. Wafil jumla. Dans l'ensemble, al-hadith doaïf. Le hadith est doaïf. Wala yassihu. Donc ce n'est pas correct. Fi arba ba'da zuhri shay'an. 4 rakat après Zohr, rien n'est authentique à ce sujet. Donc il nous reste combien de rakat après Zohr? 2. Avant Zohr, on a déjà vu quel hadith? Hadith d'Aïcha, qui est dans Bukhari. N'est-ce pas? Après Zohr, 2 rakat dans le hadith d'Ibn Omar qui est Mutafakun Ali. N'est-ce pas? Mais 4 rakat après Zohr, ce hadith est mu'al. Ça va? Tayyib. Non. Et celui qui a raté les 4 rakat avant Zohr? Je vais revenir dessus. Non. Si j'ai fini, tu poses la question. Ça va? Maintenant, revenons maintenant. Ammal arba qabla al-asr. 4 à 4 avant asr. Parce que le mu'allif, Imam Shawkani, il a mentionné 4 à 4 avant asr. فورد فيها c'est venu hadith Ibn Omar. Hadith Ibn Omar est venu sur ce sujet. Un autre hadith par le hadith de Ibn Omar que nous avons vu. رحم الله أمرا qu'Allah fasse miséricorde à une personne salla qabla l'asri arba qui a prié avant asr 4 à 4 qu'Allah lui fasse miséricorde. Ibn Omar, ça va? وهو معلل ايضا الحديث مالك علله لرنجي مالك ابو الوليد الطيالسي وقره ايوسي ابروفي le problème de ce hadith l'imam Abu Hatim Ar-Razi Jabal cette montagne wa alimun bi ahwal ar-rijal rijal al-hadith Imam Abu Hatim Ar-Razi. Il a été qarin de l'imam Ahmad et en même temps son enseignant. Imam Abu Hatim. Ils sont deux. Il y a Abu Zurah. C'est ceux dont on les appelle Imam Ar-Raziyan. Les deux imams Ar-Razi. Donc, cet imam a prouvé ce que l'imam Abu Walid al-Tiyalisi a dit au sujet de ce hadith. طيب وكان ابن تيميه ابن تيميه qu'est-ce que lui faisait يضعف il rendait ضعيف كل حديث tous les hadiths روي في الصلاه النبي قبل العصر qui sont venus dans les nawafil avant asr tous les hadiths qui venaient ibn tayyah rendait ضعيف. Tous les hadiths ne sont pas authentiques. Donc, on a combien maintenant salat ratib, rawatib dans la journée? On a combien? 12. Nam, Abu Abdurrahman, vas-y, c'est combien? Dis-nous des comptes. Il y a 4 avant jour. 4 avant jour. 2 après jour. 2 après jour. 2 après Maghrib, 2 après Isha, 2 avant Fajr, ça fait 12. Maintenant, pour répondre à la question de Abu Mariam, qui, lorsque une personne rate les 4 à 4 avant Dhuhr, comment il doit rattraper? C'est venu Sahih du messager d'Allah qui rattrapait cela par de l'Asr. Après la prière des Asr. Ça va? Donc, la prière, les nawafis sont interdits après Asr. Sauf quelques nawafis. Tahiyatul Masjid, le rattrapage de Fatibat Zuhur après Asr. Car celui qui rate Fatibat Zuhur avant Zuhur, pour lui on peut comprendre, mais après Zuhur, c'est difficile de rater. Sauf si tu as refusé de le faire. N'est-ce pas? Ou bien? Hein? Oui. Parce que tu as le temps. N'est-ce pas? Donc, Rasoul Sulaïm, il rattrapait Ratibat Zuhur après Asr. Après Asr. Ça va? Cela est venu Sohi du messager d'Allah Sulaïm. Ça va? Mais ce n'est pas d'Aïdana. Chaque fois que tu viens, tu rates Zour. Les rawatib de Zour. Et puis chaque fois, c'est toi qui es en train de prier après Asr. Non. Non. Zour, non. Pour Maghrib et Isha, c'est difficile de rater parce que c'est après la prière, Akhi. C'est après la prière. C'est avant la prière qu'on peut rater souvent. Parce que dans le moment de Zuhur, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a Al-Qaylula, la sieste qui est une sunna. Ça va? Hein? C'est au moment où le soleil se trouve bien au zénith. Ça va? Ça commence en ce moment. Ça va? Qilou, là, ça ne dure pas. C'est juste la sieste. Qilou, faites la sieste, fa inna shaytan la yaqil. Le shaytan ne fait pas de qilou, là. Sunna. Aujourd'hui, c'est difficile. Sinon, tu perds ton travail et puis fais le qilou, là. C'est pas difficile. Hmm? Tu te couches sur mon petit temps. En tout cas, si ton patron il est compréhensif. Parce qu'il y a des kailous là qui se terminent à 16h. Hein? Hein? Et Yangoman. Ah, c'est difficile. Kala facilite. Kaulou et sa parole. Wa salatu duha. La prière du duha. Malente, tu n'as pas de crâne distrait avec thé. Hein? Ils vont vous donner thé là, ça ne distrait pas. Et à vous mener, ça te levé. Qawluhu wa salatu duha. La prière du duha. La prière du duha. فهي من الصلاة التطوع المشروع. Ça fait partie des prières surrogatoires légiférées. ودليلها, la preuve de cela, قال ابن أبي ليلى. Il dit, ما أخبرنا أحد. Personne ne nous a informé. أنها رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الدوحة. Qu'il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم prier la prière de Duha. غير أمهاني. En dehors de Umuhani. Zakarat, elle a mentionné, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Yawma Fatri Makkah, le jour de l'ouverture de Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Irtasala fi baytiha, s'est lavé dans sa maison, Fasolla samani rakat. Il a prié 8 rakat. Fama ra'aytu solla solatan akhafa minha. Elle dit, je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier une prière plus légère que ces prières de doha qu'il faisait. Ghayra annahu yutimmu ruku wa sujud. Seulement, il complétait ruku et puis sujud. Sinon, station debout, c'était rapide. Ça va? C'est-à-dire, c'est muttafaqun alayh. Dans une autre riwaya, c'est venu subhatu duha. C'est la même chose, c'est-à-dire nafilatu duha. Nafilatu duha. Wa an abi hurayra رضي الله عنه أبو هريرة إدي أوصاني خليلي منامي ما conseiller صلى الله عليه وسلم. Est-ce que dans le mot lafz khalil dans le sens réel est-ce que Abu Hurayra est khalil du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم؟ لا لكن خليل يعني محبي celui que j'aime. Ça va? Hada ma'ana. Lakin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, لو اتخذت خليلا نعم يعني الله اتخذني خليلا لو كنت اتخذ خليلا si je devais prendre un ami intime لاتخذت أبا بكر خليلا. Mais le khalil ici, dans le sens réel, c'est l'ami intime. Ça va? طيب. Mais Abu Hurayra رضي الله عنه لازم النبي. Il a fait mulazama du prophète صلى الله عليه وسلم. En combien d'années? 3 ans. Salasatu awa. 3 ans faqat. Mais il a mémorisé plus de hadiths que tous les compagnons. Que tous les compagnons. Même ceux qui sont restés avec le prophète صلى الله عليه وسلم pendant 23 ans. Tel que Abu Bakr. Omar, il a fait 23 ans. Fatra, non, Omar est venu après. Mais Abu Bakr, 23 ans. Ousmane, 23 ans. Mais Abu Hurayra a mémorisé plus de hadiths que cela. Voilà pourquoi ça vient à Bukhari. Il dit, « Laoula ayatayni fi kitabillah » Il dit, si ce n'était pas deux versets dans le livre d'Allah, ma haddastu ahadan. Je n'allais pas donner des hadiths à quelqu'un. Pourquoi? Parce que ikhwanana min al muhajirin wal ansar kana yashghaluhum as-safq fi al-aswaq. Les occupations c'était d'aller vendre, acheter, vendre, d'autres partaient au champ. Mais ana ka kuntu ulazimu an-nabi, j'ai resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ala shibra et batini, malgré que j'avais faim. Tellement Abu Hurayra il avait faim, il dit kuntu astaqri ar-rajul aya. Je lui disais, j'ai envie d'écouter le Coran, faut lire, je vais écouter. Hein? Mais il sait très bien que le monsieur il s'en va à la maison. Mais Kayan Kalibadi Fayotaimani. C'est-à-dire s'il récite un verset, il dit, vite, ajoute. Non, allons, allons seulement, allons. Il rentre chez lui à la maison avec Abu Hurayra. Abu Hurayra, l'intention, c'est quoi? Il va lui donner à manger. Il a faim. Allahu Akbar. Mais voilà qu'il bat de Zalika. Allah subhanahu wa ta'ala a fait le fatah à Abu Hurayra. Allah lui a donné après. Mais, pour vous dire que, pour obtenir la science, Allah il a beau d'aminata. Il faut se fatiguer. La yunalu l'ilm bi rahatil jasad. Ala kalam salaf. C'est la parole des salaf. On n'obtient pas la science avec le repos du corps. Tu veux rester chez toi, tu as les deux pieds sur ton fauteuil, tu manges chips à côté. Hein? Tu as ton ordinateur devant toi. Il y a ventilateur, il y a climatiseur. Et puis tu écoutes le dars. Je te donne seulement 10 minutes, tu dors. 10 minutes, c'est trop même. Tu dors, tu commences à dormir. Ou bien, Allah Moustahad, Allah Moustahad, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guisse, enfin, c'est son droit chemin. Donc, ici, Abu Hurayra a dit, Aousani Khalidi Salasa Salasa, mon ami m'a conseillé trois choses. La ada'hunna hatta amut. Que je ne dois pas laisser jusqu'à ce que je meure. Sawmu salasatu ayyam fi kulli min kulli shahr. Je n'ai trois jours de chaque mois. C'est-à-dire, quel jour et quel jour ayyam al-bir. 13, 14, 15. Ça va? Et ensuite, wa salatu duha. Il m'a conseillé aussi la prière de duha. Wa nawmu. On a au moins à la huître, de dormir, c'est-à-dire de faire le huître avant de dormir. Voilà ce que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam m'a conseillé que je ne vais pas laisser. Le hadith est muttafaqun alayhi. Donc, dans ce hadith, nous tirons quelle preuve? Nous tirons la preuve de Salat Duha, de l'autorisation de la prière de Duha. N'est-ce pas? Wa fi riwaya, dans une autre riwaya du hadith d'Abu Hurayra, wa rak'atay duha, les deux rak'at de duha, wa an utira qabla an arqud, arqud yani anam, de faire le huître avant de dormir. Ça va? Donc la qaïda maintenant, non, la qaïda wa qallu salati duha, moins les rak'at de salat duha, c'est-à-dire plus petit nombre de la prière du duha, c'est rak'atan, c'est deux rak'at. Kama taqaddama fi riwayat muslim, comme c'est venu dans la riwayat de muslim du hadith d'Abu Hurayra. Wa aktharuha, mais le plus nombreux, c'est saman et rak'at, 8 rak'at. Le hadith Umuhani, à cause du hadith de Umuhani. Celui qui nous dit, on peut faire plus, dali. Intah al-mawdu. Ça va? Non. Oui, ça nous montre le kaifia d'alléger Salat Duha. Non. Salat Duha, c'est pas Kiyamulé. Salat Duha. Tu allèges Salat Duha. Comme j'ai interpellé ici la fois passée, les deux rakats de Fajr, la sunna c'est d'alléger. Celui qui rend long khalaf sunna, il a contredit la sunna. Ça va? C'est l'alléger. Ça va? Donc ici, wa amma qawlu Aisha. Quant à la parole de Aisha radiallahu anhu, kana rasulullah yusalli duha arba'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait surat duha 4 à 4 wa yazidu masha'Allah, et l'augmentait. Yani, c'est que Allah a voulu. Donc d'autres se sont basés sur ces hadiths pour dire que il n'y a pas de limite dans la prière de duha. Tu fais ce que tu peux. Parce que le hadith est daif. Le hadith est daif. Ça va? Le hadith est venu dans Muslim. Voilà que le hadith est un problème. Pas pour dire que Ibn Muslim a un problème. C'est venu ta'liqan. Et je vous ai expliqué cela déjà. Ça va? Wa amma waqtuha, quant au moment de duha, fa min tulu'i shamsi, c'est-à-dire à partir du lever du soleil, wa irtifa'uha, le soleil s'élève, qadra rumhin, à l'équivalent d'une lance, il a istiwa shams, jusqu'à ce que le soleil soit bien levé. Ça va? Fi kabiri sama'a, dans l'horizon. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit ta prière après le fajr حتى تطلع الشمس. Jusqu'à ce que le soleil s'élève وترتفع et s'élève même قدر رمح. L'équivalent d'une lance. ونهى عن الصلاة عند استواء الشمس. Il a interdit aussi la prière si le soleil est au zénith. Ça va? Tout droit sur la tête. Mafoum, fi kabiri sama ila dukhuli waqt az-zuhr, jusqu'à à l'entrée de la prière du zuhr. Donc ici le chef il va nous donner équivalence du temps. Il dit waqtul awwal, le premier moment, bi qadri yuqaddir, il calcule rubu' as-sa'a, c'est-à-dire un quart d'heure. Ou ashdaqa'i taqriban, 10 minutes. Quand le soleil commence à s'élever, tu calcules 10 minutes, tu peux commencer à faire salat ad-duha. Ça va? C'est compris? Wasani, deuxièmement, ashdaqa'i, quand le soleil est au zénith. Ça va? Avant, qabla dukhul waqt az-zuhr, avant l'entrée de l'heure de zuhr. Donc tu calcules 10 minutes avant que le soleil ne soit, voilà, zénith. 10 minutes avant, on peut déjà faire. C'est-à-dire, comme actuellement nous voyons, le moment du jour c'est à partir de quelle heure? Midi 18. Ça c'est quand le soleil est penché un peu. Ça va? Donc ça montre que le soleil a quitté un peu le zénith. Pour que le soleil quitte le zénith, tu calcules au moins 10 minutes. C'est-à-dire, à partir de midi, déjà, on peut arrêter de prier sur la doua. Mais à partir de 11h50, 11h40, 11h30, on peut prier toujours sur la doua jusqu'à ce que le soleil soit dressé au zénith. Ça va? Toyez. Donc, wa afdalu salatiha bada, il dit le même moment. Pour prier sur la duha, c'est ba'da ijtidadil har. C'est après que la chaleur du soleil s'est intensifiée. C'est-à-dire, c'est devenu fort. Parce que quand le soleil s'élève, tu ne sens pas. Et quand il devient plus, un peu plus haut, tu sens même la chaleur. C'est en ce moment-là. L'image, le qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Salatul awwabina, c'est-à-dire ta'i'ina, la prière des obéissants, hina tarmudul fisal, lorsque le fisal devient chaud. Ça va? Devient chaud. On va voir tarmudu. Tarmudu, c'est chauffer. Dans le sens que salatul ta'i'ina, waqtuha hina tahtariku, akhfa fil fisal al-sighar, lorsque les sabots des petits chameaux devient chaud à cause de la chaleur du sable. Ça va? À cause de la chaleur du sable, ni chidat et harre ramle. À cause de la chaleur du sable. Le fissol, c'est quoi? C'est le petit chameau. En aoula de l'ibil. Le petit chameau. Donc, quand ceux-là, quand ils touchent leurs sabots, tu sens que c'est chaud à cause de la chaleur du sable. Ça va? Donc, c'est le meilleur moment pour prier Salat al-Duha. Mafoum, c'est le meilleur moment pour prier Salat al-Duha. Non. Nous avons fini avec la Salat al-Duha. Non. Non. Non. Les deux rakats qu'il fait, ou les deux rakats que Rasoul Ali Sallallahu Alaihi Wasallam a conseillé de faire avant de sortir de la mosquée, est-ce que ces deux rakats c'est Duha ou c'est Non, puis Al-Sahi, c'est ce qui est plus Sahi, c'est Duha. Ça va? C'est Duha. C'est-à-dire, comme ça vient dans le hadith, que celui qui Baqiya, il m'a dit ici, il s'est resté à sa place pour faire les askar jusqu'à ce que le soleil se lève et fait deux rakats. Il est comme il a eu la récompense de Umrah. Tam, matam, tam, matam, tam. Ça va? De façon complète. Il a dit cela trois fois. Donc les savants se sont divergés. Est-ce que c'est la prière qu'il va faire en ce moment, c'est Salat al-Duha ou bien c'est pas Salat al-Duha? Ça va? Donc les savants se sont tirés. D'autres disent c'est pas Salat al-Duha, c'est pas venu Sorihan. D'autres disent c'est pas venu Sorihan, mais c'est le moment de Duha. Donc ça rentre dans Salat al-Duha. Ça va? Donc c'est ce qui est Sahih Indi. Ça rentre dans Salat al-Duha. C'est le moment de Duha et considéré comme la prière de Duha. Ça va? Mais pourquoi il a eu cette fadila, ce mérite? Parce qu'il s'est assis jusqu'à ce moment. Pour faire les askar. Les askar peuvent prendre la lecture du Coran, comme par exemple celui qui mémorise le matin le Coran, il s'assoit à sa place, il mémorise le Coran jusqu'à 6h, 6h30, 40. Déjà, je pense qu'à partir de 6h, actuellement, le soleil, le chourouk, c'est à quelle heure? 6h23. Donc peut-être jusqu'à 6h30, 6h40, s'il s'élève, il fait ses 2 à 4. Il faut le soir de la Duha. Il a prié. Duha. Qawluhu. Et sa parole. As-salatu al-layl. La prière de la nuit. Fayani biha qiyamu al-layl. C'est la prière de nuit. Ça rentre dans les prières surrogatoires. Wahiya min salati tatawwu. Et cela fait partie des prières surrogatoires. Walaysat fardan. Ce n'est pas obligatoire. Fayna al-arabi. Car le bédouin. La massa al nabi sallallahu alayhi wa sallam l'islam, lorsqu'il a posé la question sur l'islam, qala lahu khams salawatin fi al-yawm wa layla, 5 prières nuit et jour. Fa qala al-arabi hal alayya ghayruhunna, est-ce que je dois faire d'autres comme obligation? Qala la illa an tatawwa, sauf si tu as fait le tatawwu, prière si tu as fait de façon de ton choix. فدل ذلك على انه لا يجب على المسلم, c'est ce qui montre que il n'est pas obligatoire sur le musulman que 5 prières. Ce sont les 5 prières qui sont seulement obligatoires. Ça va? واما كونها مشروعة, quant au caractère légiféré de cette prière, فدل ذلك كثيرة جدا, les preuves qui montrent que la prière de nuit est obligatoire, est surrogatoire, afwan. Hein? Ces preuves-là sont nombreuses dans le Coran et la Sunna. De cela, il y a Anna Aïcha. Alors, quelqu'un a posé la question à Aïcha radiallahu anha, an qiyami rasulillah, au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit à celui qui pose la question, alasta taqra, est-ce que tu ne lis pas? Ya ayyuhal muzammil. Est-ce que tu ne lis pas cela? Qala kultu bala. Il dit oui, je lis. Qalat fa inna Allah. Elle va dire iftarada qiyam al-layl. Allah avait rendu obligatoire qiyamulay, n'est-ce pas, fi awwali hadhihi sura, au début, parce qu'il a dit quoi, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, hein, nisfahu aw inqus minhu qalila, lève-toi, qum. Donc ici c'est wajib, il avait rendu cela wajib au début, ça va. فقام النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم سليفه واصحابه حولا pendant un an ils sont en train de prier. وامسك الله خاتمه, Allah gardait le reste de cette sourate. اثني عشر شهرا في السماء, pendant 12 mois et prière obligatoire. Hein? Mais oui, la fin maintenant est arrivée. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna sulusay al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina amanu ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wa an-nahar 'alima an lan tusuf. Il a su que vous ne pourrez pas. Fataba alaykum. Il vous a pardonné. Donc après cela, il a rendu sunna, la prière de nuit. Ça va? Mais ils ont prié un an comme obligation. Ça va? Hatta anzala Allah fi akhir sura at-takhfif. Jusqu'à là, descendu à la fin de la sourate, il a rendu cela léger. Fasara qiyamul layl tatawwu'an ba'da farida. Donc, qiyamul layl est devenu surrogatoire après que c'était obligatoire. Ça va? Donc ce hadith vient d'un muslim. Dans les deux authentiques, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Abdullah, il dit oh Abdullah, la takun misla fulan, ne sois pas comme une telle personne. Kana yakoumu layl, il priait la nuit, fataraka kiyam layl. Il a laissé la prière de nuit. Allahu musta'an. J'ai un conseil à donner à ce sujet. Khayrul a'mal wa afdal wa ahabbul a'mal adwamuha wa inqal. C'est les actions qui sont perpétuelles, c'est-à-dire continues, à tel allo, même si c'est peu. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Tu verras certaines personnes prier de nuit, commence à faire 12 rakat. Demain il fait 10. Après demain, 8, 6. Il diminue. 2. Quand il finit, il jamais il fait 1 et puis s'en va dormir. Après même il ne fait plus rien. Pas pour ça. Commence 2 rakat dans la nuit. Si tu ne peux pas te lever toute la nuit, habitue-toi à Qubayl al-Fajr. Qubayl al-Fajr. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde sur la montre ici, le hasard des Fajr, qui montre que le Fajr est rentré, c'est à 5h02. Ça, c'est un exemple que je vous donne. À partir de 4h30, tu te lèves, tu as prié dans le dernier tiers de la nuit, et tu es tombé sur un moment où Allah descend. Allah dit, « Man yastaghfiruni, qui me demande pardon, fa'aghfirullah. » C'est un moment. Donc lève-toi, fais deux rakats. Reste constant sur cela pendant un an si tu veux. Pendant 2 ans si tu veux. Le maksoud, c'est la constance, c'est pas le nombre. Mais d'autres pensent que quand on dit prier de nuit, il faut prier beaucoup, il faut... Non. Le maksoud, c'est la constance que Allah aime. Afdal al-amal inda Allah, c'est quoi? Ahabul amal adwamuha. Même si c'est peu, c'est pas le nombre que Allah regarde, c'est la constance que tu fais. Ça va? Donc, la bouddha mina dawam, il faut te lever, même si tu peux pas. Maintenant, si tu sais que tu es fatigué, regarde aujourd'hui, nous, souvent, on dort même dans le moment de Qiyamulayl. Qiyamulayl commence à quel moment? Ba'd al-Fajr. Et Ba'd al-Isha, afwan. Ba'd al-Isha. Jusqu'à Qubayl al-Fajr. Donc, si moi je finis après Isha, dès que j'arrive à la maison, je sais que je ne pourrai pas me lever, je reste constant, je prie ma prière. Avant de dormir, j'ai pris 2 rakat. J'ai fait Qiyamulayl avant de dormir. Mais si je sais que je peux me lever à 4h30, je me lève à 4h30, je prie ma prière. Si je sais que je ne peux pas, à partir de 21h, dès que je rentre à la maison, je me lave, je fais mes 2 rakat, je fais mon huître, et puis je dors. Intarage mon bout. C'est tellement facile. Maintenant, tu seras habitué à ça jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre parmi ceux qu'il a dit à ta vie, fa junubuhum anil madaji. Tu vas te détacher maintenant de ton lit. Ça, c'est quelque chose qui est difficile, mais ça vient avec l'habitude. L'être humain, lorsqu'il s'habitue à quelque chose, ça devient facile pour lui. N'est-ce pas? Donc, ishtahidu fi hada. Barakallahu fikum. Faites des efforts. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous facilite tous. Ce n'est pas facile, mais qu'Allah facilite. Fa wa sahlun ala man yassarahu Allah. C'est facile pour celui qui a le rend facile. Sa'abun, c'est difficile pour celui qui a le rend difficile. Mais qui? Celui qui expose son cœur à tous les péchés. Son cœur devient mashfoun, rempli, enveloppé par les péchés. Et la moindre des choses, c'est de l'empêcher. Allah l'empêche son châtiment, Allah l'empêche les adorations. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, wama waqtuha, quant au temps de la prière de nuit, famin ba'di salat al-isha ila tulu al-fajr as-sadiq. C'est ba'd al-isha jusqu'à l'apparition du fajr véridique. Et on a déjà vu cela ici, non? Non. C'était sur le prophète et les compagnons. Non, mais quand c'est tombé là. Non, c'est resté sur le gâteau, sur tout le monde. Non. Oui. Hein? Donc on va terminer cette partie rapidement. Wama aksaruha. Quant au plus grand nombre, ça va, c'est-à-dire au nombre le plus grand de la prière de nuit, annahu sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu de façon authentique, qui n'a pas augmenté, fi ramadan wa la ghayrihi, et autre fi ramadan ala ahadi ashara rakah, si 11 rakat. Fi hadith ibn Abbas, dans le hadith ibn Abbas, salla salasa ashara rakah, il a fait 13 rakat. فذهب بعض العلماء المعاصرين certains savants contemporains ils sont allés à dire il a adam jawaz ziyada ala zalik que c'est pas permis d'augmenter sur les 11 ça va sur les 11 d'autres disent 13 parce qu'il y a 2 rakat après isha sinon c'est 11 طيب d'autres savants sont allés à dire que c'est pas permis d'augmenter tel que Sheikh Albani hein Sheikh مقبل ادوت ولكنه مجرد فعل من c'est une action seulement du prophète sallallahu alayhi wa sallam لا يدل على ان اكثر من ذلك لا يجوز ça ne montre pas que celui qui fait plus que cela n'est pas permis فقد صح عن جمع من السلف c'est venu de façon authentique de plusieurs salaf انهم كانوا يزيدون على ذلك qui augmentaient sur les 11 ولكن الافضل mais ce qui est meilleur الوقوف عند السنة c'est de s'arrêter à la sunna وذكر ابن عبد البر والقاضي عياد ابن عبد البر القاضي عياد ont mentionné انه لا خلاف بين اهل العلم il n'y a pas de divergence entre les savants في انه لا حد لاكثرها qu'il n'y a pas de limite pour le nombre يعني pour le plus grand nombre ولكن ici on voit que chaque année il y a toujours des débats autour de cela, surtout dans le Ramadan. Pourquoi on ne fait pas des débats dans les autres mois? C'est dans le Ramadan. Aïcha a dit, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhu, il n'a pas augmenté dans le Ramadan. Voilà, ghayr Ramadan. Hein? وبعضهم يقولون بتحريم que c'est pas permis d'augmenter de dire c'est permis mais le afdal voilà que nous on a cool si on te dit fais 20 rakat tu peux faire 20 rakat comme l'a dit Cheikh Ouzaymin il dit on peut faire plusieurs il y a pas de limite mais le afdal c'est le 11 qu'est-ce que tu choisis le afdal a moins de nombre qu'est-ce qui est moins afdal hein? Moins de fatigue qu'est-ce qui est afdal mais il n'y a pas de mouchahada fizali ils voient des gens non ceux-là ils ne sont pas sur la sunna mais s'ils ont fait 100 rakat c'est les faire les 100 rakat la sunna c'est le 11 ça va et il n'y a pas de débat trop de multiplier les débats sur ce sujet là masala fiqhiya ou bien et les savants se sont divergés à ce sujet. D'autres disent que le 11, la majorité tous. Mais ceux qui disent qu'on peut augmenter, ils disent que la sunna c'est 11. Mais il y a permission de multiplier, de faire plus que cela. Allahu musta'an. Je termine cette partie. Qawluhu yutiru akhiruha raka. Il fait le vitre maintenant avec une rakat à la fin. Le Kaul Israël Sallam, il dit de rendre votre dernière prière de la nuit witr. Waqala Israël Sandiman Sa'ala wa Salat al-Layl. Il a dit au sujet, pour celui qui lui a posé la question au sujet de la prière de nuit, il a dit Masna, Masna, deux rakat. Faïda khashita subh. Si tu crées le subh, façon de rakat. Prie une rakat, waj'al akhir salatika witra. Fais de ta dernière prière le 8-3. Donc, on va s'arrêter ici. Et la semaine prochaine, on va continuer sur Tahiyyatu al-Masjid. Et on s'est entré dans Babu Salat al-Jama'a, la prière en groupe. Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc, ici, le hadith qui est Ijal akhir salatika layl witr, durant cela witr, ça ne montre pas le tahrim de celui qui prie witr. Et ensuite se lève la nuit pour faire d'autres prières. Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Ça va? Mais le afdol, c'est de prier et attendre faire le witr à la fin. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.